De l'amour du prochain. Chapitre 94. Que nous devons juger par l'amour que nous avons pour nous-mêmes de celui que nous devons avoir pour notre prochain. Après avoir vu, ma chère fille, de quelle sorte vous devez vous regarder vous-même et Jésus-Christ, il faut vous expliquer ces paroles de notre texte, ouvrez les yeux, afin de vous apprendre de quelle sorte vous devez regarder votre prochain, et qu'ainsi vous soyez entièrement éclairci de la conduite que vous devez tenir dans une chose si importante. Sachez donc que le moyen de regarder le prochain comme l'on doit, et de le regarder des mêmes yeux que nous nous sommes regardés nous-mêmes et que nous avons regardé Jésus-Christ, ce qui se peut en cette manière. Comme dans tant d'infirmités corporelles et spirituelles auxquelles nous sommes sujets, nous désirons qu'au lieu de nous mépriser on nous plaigne et on nous soulage. Nous devons agir de la même sorte envers notre prochain par une véritable compassion de ses faiblesses et de ses peines, afin de le traiter comme nous voudrions que l'on nous traitât, si nous étions en sa place, et accomplir par ce moyen cette parole de l'Écriture, « Apprenez par ce qui se passe en vous ce qui se passe dans votre prochain », Ecclésiaste, 31. Car autrement qu'y aurait-il de plus horrible que de prétendre que l'on doive excuser tous nos défauts et nous pardonner toutes nos fautes, et n'avoir nulle indulgence pour celles des autres? Ce n'est pas agir en homme que d'agir ainsi envers ceux qui sont d'une même nature que nous et que nous devons regarder avec des yeux humains, c'est-à-dire de compassion, selon ces paroles de l'Écriture. Deux différents poids et deux différentes mesures sont en abomination devant Dieu, Proverbe 20, 10, c'est-à-dire que Dieu ne peut souffrir que l'on se serve d'une grande mesure pour recevoir, et d'une petite pour donner, et qu'il traitera sans miséricorde celui qui traite les autres sans miséricorde, en le mesurant avec la même mesure dont il aura mesuré les autres, comme l'Évangile le dit dans saint Matthieu. Regardez donc, ma fille, tout ce que vous verrez arriver à votre prochain de la même manière, dont vous voudriez que l'on regarde à ce qui vous arrive, ayez-en la même compassion que vous voudriez que l'on eût de vous, et tâchez de l'en soulager avec la même bonté que vous voudriez qu'on vous soulageât. Par ce moyen Dieu vous mesurera avec cette même mesure charitable dont vous aurez mesuré les autres, et l'on verra s'accomplir en vous cette parole de l'Écriture. Bienheureux ceux qui sont compatissants et charitables, parce qu'ils seront traités avec miséricorde, Matthieu 5, 7, et ayant appris par la connaissance de vous-même de quelle sorte vous devez agir envers votre prochain, vous serez compatissante et charitable envers tout le monde. Chapitre 95. Que la connaissance de l'amour que Jésus-Christ nous a porté doit nous apprendre à aimer notre prochain. Après avoir vu, ma chère fille, que la connaissance de nous-mêmes, nous doit apprendre à aimer notre prochain, il faut maintenant vous faire voir combien la connaissance de Jésus-Christ doit nous y porter. Représentez-vous donc l'extrême miséricorde par laquelle ce Fils unique de Dieu s'est fait homme pour l'amour des hommes, les travaux infatigables dans lesquels il a passé toute sa vie pour procurer nos avantages. Et cet excès d'amour qui l'a fait mourir sur une croix par des tourments et des douleurs inconcevables, afin de nous faire vivre à jamais. Ainsi comme en vous regardant, vous aurez regardé votre prochain avec des yeux pleins d'humanité, vous regarderez Jésus-Christ avec des yeux de chrétienne, c'est-à-dire en la manière qu'il vous regarde, car, si Jésus-Christ habite en vous, vous jugerez des choses comme il en juge, et connaîtrez combien vous êtes obligé d'aimer votre prochain. Puisqu'il l'a aimé et considéré comme la tête aime et considère les parties du corps dont elle est le chef, un père ses enfants, un mari sa femme, et un frère ses frères. Priez-le de vous faire connaître quel a été le feu de l'amour dont son cœur était embrasé, lorsqu'il soutint qu'on l'attacha à la croix pour le bien de tous les hommes grands et petits, bons et méchants, présents et à venir, et pour ceux même qui le crucifiaient. Admirez que cet amour, au lieu de se refroidir, continue de telle sorte d'être toujours le même, que, si la mort que Jésus-Christ a endurée ne suffisait pas pour procurer notre salut, il serait prêt à mourir une seconde fois, et s'offre pour cela à toute heure à son Père, avec ce même amour qu'il s'y offrit réellement le jour de sa passion, qui peut après cela être inhumain envers ceux pour qui Jésus, Christ a tant de tendresse, qui peut vouloir du mal à ceux à qui il prend tant de plaisir de faire du bien. C'est une chose incroyable que l'affection que ces pensées impriment dans le cœur d'un chrétien qui considère son prochain non pas comme l'on considère les richesses, ou la proximité, ou autre chose semblable qui ne sont qu'extérieures, mais comme étant un des membres du corps dont Jésus-Christ est la tête, et celui qui aime véritablement ce sauveur du monde, peut-il croire faire beaucoup, que d'aimer ceux, qui sont son corps mystique, et dont il a dit qu'il réputerait comme fait à lui-même le bien ou le mal qu'on leur ferait, Matthieu, 25. Un véritable chrétien ne saurait considérer attentivement ces paroles sans qu'elles lui donnent un respect, un amour et une douceur pour son prochain qui lui font souffrir ses défauts, et au lieu de le fâcher ou de lui nuire, tâcher de le servir et le consoler, parce que regardant Jésus-Christ en sa personne, il se considère comme étant plus véritablement son esclave que s'il l'était devenu par un grand prix qu'il aurait donné pour l'acheter, en se souvenant que lui, même ayant été acheté par Jésus-Christ au prix de tout son sang, il n'y a rien qu'il ne doive faire pour lui en témoigner sa reconnaissance. Ajoutez à cela ce que ce divin Rédempteur a dit, en parlant à saint Pierre, « Si vous m'aimez, paissez mes agneaux », Jean, 21, 15, et ailleurs, « Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant me reçoit », Marc, 9, 36, et encore ailleurs, « Celui qui exerce la miséricorde envers l'un de ceux, s'il exerce envers moi. » Pouvons-nous donc trop remercier notre Sauveur d'une aussi grande grâce qu'est celle qu'il nous fait de pouvoir si facilement lui témoigner en la personne de notre prochain, qui est toujours proche de nous, quel est l'amour que nous lui portons à lui-même? Pouvons-nous trop considérer comme légères les peines que nous prenons pour l'assister, quand nous les comparons à un aussi grand amour qu'est celui que Jésus-Christ lui-même lui a témoigné, et nous a commandé d'avoir pour lui par ses paroles si pleines d'affection, « Je vous ordonne de vous aimer les uns les autres comme je vous aime », Jean, 13, 34. Chapitre 96. Autre considération qui nous apprend de quelle sorte nous devons nous conduire avec notre prochain. Voici, ma chère fille, une autre considération qui peut nous apprendre de quelle manière nous devons regarder notre prochain. C'est qu'encore qu'il soit très vrai que notre Seigneur ne demande point de récompense du bien qu'il nous fait, parce que ses richesses étant infinies, il n'a besoin de rien et donne libéralement et par un pur amour tout ce qu'il donne. Il ne laisse pas néanmoins de désirer que notre prochain profite des faveurs qu'il nous fait dans le besoin qu'il a d'être considéré, aimé et secouru, car il agit en cela comme ferait un homme qui, après avoir prêté à un autre une grande somme, et lui avoir donné plusieurs autres grandes preuves d'amitié, lui dirait, « Je vous quitte à mon égard de tout ce que vous me devez, parce que je n'en ai point de besoin, mais je désire que pour reconnaître l'obligation que vous m'avez, vous assistiez un tel de mes parents, ou de mes amis, ou de mes serviteurs. » C'est donc là la manière dont un chrétien peut reconnaître ce que Jésus-Christ a souffert pour lui, tant durant sa vie qu'en sa mort, les grâces particulières qu'il en a reçues, les péchés qu'il lui a pardonnés, la patience avec laquelle il attend qu'il fasse pénitence, et tant d'autres bienfaits dont il lui est redevable. Une conduite si charitable de Jésus-Christ envers nous nous oblige d'en user de même envers notre prochain, puisqu'encore qu'il ne le mérite pas, cet adorable Rédempteur nous en tiendra compte, comme si nous l'avions assisté lui-même. Ainsi ceux qui sont dans le besoin et que nous avons moyen de secourir, ont droit de nous dire, usez envers nous de la même miséricorde dont Dieu a usé envers vous, et nous ne saurions y manquer sans avoir beaucoup de sujets de craindre que Dieu, pour nous punir d'une si grande dureté envers eux, et de notre ingratitude envers lui, nous traite comme il traita ce mauvais serviteur qui, après que son maître lui eut remis les 10 000 talents qu'il lui devait, s'était rendu inexorable aux prières de ceux qui lui étaient redevables, Marc 18. Ce n'est pas que Dieu punisse une seconde fois les péchés qu'il a pardonnés, mais c'est qu'il punit l'ingratitude de ceux à qui ils ont été pardonnés, et qui est d'autant plus grande que leur péché était plus grand. Que si ce mauvais serviteur demanda pardon à son maître, comme il y a sujet de le croire, il lui aura sans doute fait cette réponse que nous lisons dans l'Écriture. Celui qui ferme l'oreille au cri du pauvre, criera lui-même et ne sera point écouté. Proverbe 21, 13. Vous pouvez juger, ma fille, par ce que je viens de dire, combien après vous être bien considéré vous-même, avoir bien considéré quelle est l'extrême bonté de Jésus-Christ, et rappeler dans votre esprit toutes les grâces qu'il vous a faites. Vous êtes obligé de concevoir une estime et un amour pour votre prochain, que rien ne soit capable d'effacer de votre cœur. Et quand ces pensées que la corruption de la nature inspire, vous viendront dans l'esprit, quelle obligation ai-je d'assister et d'aimer celui qui m'a fait du mal, répondez à cela, il est vrai que rien ne m'y obligerait, si je ne regardais que lui, mais regardant en lui Jésus-Christ, qui recevra comme fait à lui, même le bien que je lui ferai et le pardon que je lui accorderai, quelque indigne qu'il soit que je l'assiste, je ne puis m'en dispenser, puisque ce n'est pas lui que je considère, mais Jésus-Christ en lui. C'est là, ma fille, le moyen d'allumer dans votre cœur le feu d'une charité si ardente, que les eaux de vos imperfections ne pourront l'éteindre, tant ces flammes seront vives et s'élèveront au-dessus de tout ce qui pourrait les amortir. Ainsi quelque sujet de mécontentement que votre prochain vous donne, et quelque injustement qu'il agisse envers vous, votre vertu victorieuse de ses défauts nous fera agir de telle sorte envers lui, que vous pourrez dire avec David, ceux qui aiment votre loi, jouissent d'une paix profonde, et ils ne trouvent rien qui les puisse faire tomber, Psaume 118, 165. Or, cette loi est la loi de la charité par laquelle on accomplit toute la loi. Selon ces paroles de saint Paul, celui qui aime son prochain accomplit la loi, Romains 13, 8. Et ailleurs, toute la loi est renfermée dans ce seul précepte, vous aimerez votre prochain comme vous-même, Galates 5, 14. Ce respect que nous rendons à notre prochain, comme étant un enfant adoptif de Dieu et frère de Jésus-Christ, et cet amour que nous lui portons à cause qu'il est aimé de lui, est-ce que saint Paul recommande aux Philippiens et à nous en leur personne par ses paroles, que chacun par humilité croie les autres au-dessus de soi et n'ait pas seulement soin de ce qui le regarde, mais aussi de ce qui regarde les autres, soyez dans la même disposition et dans les mêmes sentiments où a été Jésus-Christ, qui, ayant la forme et la nature de Dieu, n'a point cru que ce fût à lui une usurpation d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même en prenant la forme et la nature de serviteur en se rendant semblable aux hommes, et étant reconnu pour homme par tout ce qui apparut de lui au dehors, il s'est rabaissé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 21, 3. Ce divin Sauveur nous a montré encore qu'elle doit être cette humilité et cet amour pour notre prochain, et nous l'a particulièrement recommandé par ce grand abaissement qu'il lui fit, la veille de sa mort, laver les pieds à ses disciples. Apprenez, ma fille, par un tel exemple à considérer dans votre prochain, les enfants adoptifs de Dieu pour qui Jésus-Christ est mort en la croix, rendez-leur de l'honneur, puisqu'il leur en a tant fait, et aimez-les, puisqu'ils ne sont pas moins unis d'affection avec lui qu'un époulet à son épouse, et les membres du corps à leur chef, ainsi votre amour sera ferme et durable. Au lieu que celui qui ne tire pas son origine de cette source ressemble à une maison fondée sur le sable qui, ne pouvant résister au moindre effort dont elle est attaquée, tombe bientôt par terre. Marc M. Dan, archive.org. D'après les œuvres très complètes de Sainte Thérèse, tome 4, 1845, Abbé Migne, licence Creative Commons. Pas d'usage commercial. Partage à l'identique.